1. Bonjour, je m'appelle Paul Bouchard. Je suis canadien. Et vous ? Natacha Muller. Je suis autrichienne. Enchantée. 2. Oh, vous vous appelez Sophia ? Moi aussi. Vous êtes russe ? Ah non, moi, je suis mexicaine. 3. Bonjour, je me présente. José Gomez. Je suis portugais. Et vous? Vous êtes? Moi, je suis suédois. Je m'appelle Björn Lindgren. Et voici Isabelle Moreau. Elle est française. 4. Qui est-ce? C'est un journaliste. Il s'appelle Karl Renner. Il est allemand? Oui, et sa femme, Alexandra, est grecque.